La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui L'école des femmes, comédie de Molière, jouée par les comédiens français dans la distribution suivante. Arnolphe Jean Meyer, Agnès Daniel Ajoret, Horace Jacques Toja, Alain Jean-Paul Roussillon, Georgette Catherine Samy, Chrysalde Daniel Lecourtois, Henrik François Vibert, Oronte Georges Vitray, le notaire Marco Béard, mise en scène de Jean Meyer. La tribune libre de Théâtre et Université réunira autour de Philippe de Chartres, Daniel Lecourtois de la Comédie-Française, Paul-Louis Mignon, Marcel Giraudet, André Blanc, professeur de lettres au lycée Janson de Sailly, Marguerite Cala et Dominique Paramitiati, élève de lettres supérieures au lycée Janson de Sailly. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. 1662 où fut jouée l'école des femmes est pour Molière une année heureuse, peut-être la plus heureuse de sa vie. Il se marie avec Armande. Les précieuses, l'école des maris, les fâcheux, lui donnent le succès auprès du peuple, des bourgeois et de la cour, et lui donnent aussi des haines tenaces, en particulier les dévots, qui feront sa gloire et sa valeur. La querelle que souleva la pièce jusqu'à la fin de 1663 montre à quel point les attaques furent violentes. Qui se soucie aujourd'hui des plagiats possibles de Molière dans les œuvres de Boccace ou de Scarron? Qui se soucie des règles théoriques de l'art classique, de la bienséance, de la vraisemblance? Il y a le charme, la fraîcheur, l'équilibre, la simplicité et le romanesque d'une œuvre sans doute irremplaçable dans le premier essai d'un auteur exceptionnel. L'école des femmes nous propose en effet une action bourgeoise, fondée sur un égoïsme féroce, et une misogynie telle que la crainte d'être cocu détermine toutes les attitudes d'un homme ridicule et arrogant. Cela, c'était déjà l'esprit égrillard des fabliaux du Moyen-Âge. C'était aussi les traditionnelles forfanteries, traditionnelles et bien-pensantes somme toute. Il y a plus cependant. Molière n'est pas si tendre qu'on le croit souvent, et il ne veut pas attrister son public. Or, il y a les amours simples et les plaisirs innocents d'Agnès et d'Horace. Innocents, aujourd'hui, et plus innocent sûrement que les projets d'Arnolphe. Cependant, ces hommes et cette jeune fille doivent vivre sur la scène, et le texte de Molière est le support d'une action pleine de pensées et de rebondissements, comme plus tard dans Tartuffe, dans Le Misanthrope et dans Don Juan. Déjà, il arrache le masque de ses ennemis, et tel vers, telle scène sur les grands, sur la dévotion, sur le mariage, sur les profiteurs et les traîtres de la morale sociale, sont pour nous annonciateurs de son œuvre future. La comédie de l'école des femmes a trouvé en Jean Meyer un metteur en scène averti et très personnel. Il a dépouillé l'œuvre de tout ce qui pouvait la replonger dans une interprétation convenue ou facile. Les spectateurs et les auditeurs seront, n'en doutons point, sensibles à l'intelligence et à la volonté d'expression des comédiens français. Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans demain. Nous sommes ici seuls, et l'on peut, ce me semble, sans crainte d'être oui, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami, je vous ouvre mon cœur? Votre dessein, pour vous, me fait trembler de peur. Et, de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous. Et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups de hasard dont on n'est point garant. Et bien sot, ça me semble, est le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont sans pauvre mari ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique on est vu garanti, que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, de faire cent éclats des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodés chez eux de toutes pièces?

du chat que mon moineau ne sort. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura pas à manger de plus de 4 jours. Ah! Par quelle raison y venir quand j'écoute? Pousse pas plutôt que moi le plaisant sondagère. Ou de toi et non de là. Mais non, toi toi-même. Je veux ouvrir la porte. Mais je veux l'ouvrir, moi. Tu ne l'ouvriras pas. Ni toi non plus. Ni toi. Il faut que j'aie ici l'âme bien patiente. Au moins, c'est moi, monsieur. Je suis votre servante. C'est moi. Sans le respect de monsieur que voilà, je te... Reste. Pardon. Voyez ce lourd nom-là. Mais c'est elle aussi, monsieur. Tous deux, on se tait. Songez à me répondre. Et laissons la fadette. Eh bien, Alain, comment se porte-t-on ici? Monsieur Nounou. Monsieur Nounou Port. Dieu merci, nous... Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien, j'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non? Si fait! Pourquoi non? Oui, je meurs. Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'ayons jamais passé devant chez nous, cheval, âne ou mulet, qu'elle ne prie pour vous. La besogne à la main, c'est d'un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or les puces, dis-moi la nuit, à qui était? Oh, vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point, je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuse de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, pillez tout, toute votre science, de valoir cette honnête et pudique ignorance. Ce n'est point par le bien qu'on doit être ébloui, et pourvu que l'honneur soit... Que vois-je? Est-ce... Oui. C'est... Je me trompe. Mais si. Si fait. Non, c'est lui-même. Oh, Signora Horace. Arnold. Oh. Joie extrême. Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu. Pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, honte, votre père, mon bon et cher ami que j'estime et révère. Que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous ne nous sommes vus depuis 4 ans ensemble, ni qui plus est. Écrites l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolf, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous, mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Vous a-t-on point dit comment on le nomme? Henrique. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Il m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurais certainement grande joie à le voir et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles. Et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prît le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leur parole et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, super bons bâtiments et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs, qu'il se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont en ce pays de quoi se contenter. Et les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune. et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince, et les tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà fait quelqu'une? Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh, vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos précautions. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès et, sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est ? Un jeune objet qui loge en ce logis dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Ah, je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la Zousse ou Source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche, à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Ne connaissez-vous point ? La fâcheuse pilule. Hé ! Vous ne dites mot ? Hein ? Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas ? Hein ? Qu'en dites-vous ? Quoi ? C'est-à-dire oui ! Jalouse à faire rire. Sot ! Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou, pour ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Mais pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet, vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu, j'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Oh, faut-il? De rechef, veuillez être discret et n'allez pas de grâce et vanter mon secret. Que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh, que j'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême, il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant de fureur. Mais ayant tant souffert, je devais me contraindre jusque à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre, il n'est pas loin, je pense. Dirons-en de ce fait entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver, et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. Mais lorsque j'y pense, avantageux sans doute d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route, car enfin, de mon cœur, le trouble impérieux n'eût pu se renfermer tout entier à ses yeux. Il eût fait éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sût ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser le champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le coup et sans tarder apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme, au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte. Et tout ce qu'elle a fait, enfin, est sur mon compte. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fête ! Venez ça, tous deux. Passez là. Passez là. Venez là. Venez, dis-je. Ah ! Vous me faites peur ! Et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absent, vous m'avez obéi. Et tous deux, de concert, vous m'avez donc trahi. Eh, ne me mangez pas, monsieur. Je vous conjure. Quelque chien enragé l'a mordu, je m'assure. Ouf, je ne puis parler tant je suis prévenu. Je suffoque et voudrais pouvoir me mettre nu. Vous avez donc souffert aux canailles maudites qu'un homme soit venu. Tu veux prendre la fuite? Il faut que sur le champ... Si tu bouges, je veux que vous me disiez... Ah. Oui, je veux que tous deux... Quiconque remuera par la mort, je l'assomme. Comment est-ce que chez moi s'est introduit cet homme? Hein? Parlez, dépêchez, vite! Prontement-on, sans rêver, veut-on dire? Ah, le cœur me fond! Je meurs! Je suis en eau. Prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurais-je deviné, quand je l'ai vu petit, qu'il croîtrait pour cela? Ciel! Que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons à modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur, doucement, doucement. Levez-vous et rentrant, faites qu'Agnès descende. Arrêtez! Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, ils iraient l'avertir, et moi-même, je veux la les faire sortir. Que l'on m'attende ici. Mon Dieu, qu'il est terrible! Ses regards m'ont fait peur, mais une peur horrible! Et jamais je ne viens plus de chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre! Est-ce là qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde, il veut en la cacher et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cet action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai quand tu tiens ton potage que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme... La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes, parfois, qui veulent, dans sa soupe, aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les bio monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet, afin que dans ce temps... La bile se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès et je la fais venir en ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement et, lui sondant le cœur, s'éclaircir doucement. Venez, Agnès. Entrez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance, et comme chacun cause, quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était, en mon absence, à la maison venu, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gâcher que c'était faussement... Mon Dieu, ne gâchez pas, vous perdriez, vraiment. Quoi, c'est la vérité? Qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante. Et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme, bien fait, qui rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ses tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais, tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue. Ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Fort bien, fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui, hier, vous vit du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux... On fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu, ma surprise est, fis-je, sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle, vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable, et s'il faut... Poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours. C'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent, eux seuls, empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Ah, sorcière maudite! Empoisonneuse dame, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puisse en pleurer, voir un poulet mourir? Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence imprudente qui s'en guide à laisser cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pandard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ça me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal, sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'on ont eu notre Alain Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tout! Il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf! Et il m'a quoi? Pris! Hein? Le... Est-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si fait... Mon Dieu, non! Je vais dans votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non, non, non, non, non, diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Vous vous dites que je n'ai plus m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autre chose? Non, pas! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir. J'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui est fait, est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, puis après, sans rire. Oh, point ! Il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Oh, vous ne savez pas ce que c'est que sa voix. Mais enfin, apprenez qu'accepter les cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Le péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison? La raison, elle avait prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrousse? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie en goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toute cette tendresse, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Que vous me ferez aise? Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera, de ma part, réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous. Tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait donc rire? Oui. Pour vous voir bien contente et ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation. Oh. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec... Hein? Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte, honnêtement, et lui jetant, s'il heurte, un gré par la fenêtre, l'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait, sœur. Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez. Obéissez. Vous avez là suivi mes ordres à merveille, confondu de tout point le blondin séducteur. Et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez, sans y penser, où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces damoiseaux, on sait trop les coutumes. Ils sont de beaux canons, force rubans et plumes, grands cheveux, belles dents et des propos fort doux. Mais comme je vous dis, la griffe est là-dessous. Et ce sont vrais Satan, dont la gueule altérée, dont l'honneur féminin cherche à faire curer. Mais encore une fois, grâce aux soins apportés, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point différer les noces où je dis qu'il vous faut préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. Un siège au frais ici. Vous, si jamais, en rien. De toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait accroire, mais... S'il entre, jamais je veux jamais ne boire. Aussi bien est-ce un sot. Il nous a l'autrefois donné 2 écus d'or qui n'étaient pas de poids. Ayez donc pour souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici l'un ou l'autre au retour le notaire qui loge au coin de ce carrefour. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage là. Regardez-moi là, durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-vous-le bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirer ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à 20 parties, fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez, sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mis à toujours vous connaître, et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. Ad austère devoir, le rang de femme engage, et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine. Et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute puissance. Bien qu'on soit 2 moitiés de la société, ces 2 moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance, au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, Son devoir, aussitôt, est de baisser les yeux. Et de n'oser jamais le regarder en face que quand, d'un doux regard, il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont point des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra l'or noir comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez. Voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime, celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête malgré le train d'aujourd'hui que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime, elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime, sous sa coiffe, en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Quatrième maxime. Or ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommode pas monsieur. Cinquième maxime. Il faut des présents des hommes qu'elle se défende bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Sixième maxime. Ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées, des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Septième maxime. Des promenades du temps ou repas qu'on donne aux champs, il ne faut pas qu'elle essaie, selon les prudents cerveaux, le mari dans ses cadeaux est toujours celui qui paye. Huitième maxime. Vous achèverez seul et pas à pas, tantôt je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement. Si le notaire vient, qu'ils m'attendent un moment. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme comme un morceau de cire entre mes mains. Elle est, et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que durant mon absence, on m'ait attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on a pêche de ce côté, de ces sortes d'erreurs. Le remède est facile, toute personne simple aux leçons est docile, et si, du bon chemin, on l'a fait écarter, deux mots incontinents l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête, de ce qu'elle s'y met. Rien ne la fait gauchir, et nos instructions ne font là que blanchir. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes, à se faire souvent des vertus de ses crimes, et trouver, pour venir à ses coupables fins, des détours à duper l'adresse des plus fins. Pour se parer du coup, en vain, on se fatigue. Une femme d'esprit est un diable en intrigue. Et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup d'honnêtes gens en pourraient bien que dire. Enfin, notre étourdi n'aura pas lieu d'en rire. Par son trop de caquet, il a ce qu'il lui faut. Voilà, de nos Français, l'ordinaire défaut. Dans la possession d'une bonne fortune, le secret est toujours ce qui les importune. Et la vanité saute à pour eux tant d'appât qu'ils se pendraient plutôt que de ne causer pas. Que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont choisir ces têtes éventées. Et que... Mais la voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu quel chagrin est le sien. Oh. Je reviens de chez vous, et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois qu'enfin quelques moments... Eh mon Dieu, n'entrons point dans ces vains compliments. Rien ne me fâche tant que ces cérémonies, et si l'on m'en croyait, elles seraient bannies. C'est un maudit usage, et la plupart des gens y perdent sottement les deux tiers de leur temps. Mettons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes. Puis-je, Seigneur Horace, savoir où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par quelques visions, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion de vos premiers progrès. J'admire la vitesse et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Oh, comment cela? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. D'où diantre a-t-il si tôt appris cette aventure? Je ne sais. Mais enfin, c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à ces jeunes attraits, lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servante et valet m'ont bouché le passage, et d'un « retirez-vous, vous nous importunez » m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez? Au nez. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu ». Ils n'en ont pas ouvert? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître en me chassant de là, d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Comment d'un grès? D'un grès de taille non petite, dont on a par ses mains régalé ma visite. Diantre, ce ne sont pas des prunes que cela, je trouve fâcheux l'état où vous voilà. Oh, il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Certes, je suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rend tout. Oui, mais cela n'est rien, et de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile, et la fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le gré vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui sans se faire voir conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris, et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté, et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être, et souvent, de nos mœurs, l'absolu changement devient par ses leçons l'ouvrage d'un moment. De la nature, en nous, il force les obstacles, et ses effets soudains ont des l'air des miracles. D'un avare, à l'instant, il fait un libéral, un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante, et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car, tranchant avec moi par ces termes exprès, « Retirez-vous, mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours, et voilà ma réponse !» Cette pierre, ou ce grès dont vous vous éteignez, avec un mot de lettre est tombé à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'est-il pas l'art déguisé des esprits? Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Que dites-vous du tour et de ce mot d'écrit ? Hein ? N'admirez-vous pas cette adresse d'esprit ? Et trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage ? Dites. Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu. Cet homme, gendarmé d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de gré fait parade, comme si j'y voulais entrer par escalade. Qui, pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ses gens contre moi et qu'abuse à ses yeux, par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour en a un grand embarras, jette ici mon amour, je tiens cela plaisant, autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en termes touchants, et tous pleins de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière, enfin, que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert ? Et contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Je veux vous écrire. Et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous suciez, mais je ne sais comment faire pour vous le dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touché de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Ah, chienne. Qu'avez-vous ? Moi, rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce ? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus bon naturel peut-il se faire voir ? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable, d'avoir, dans l'ignorance et la stupidité, voulu de cet esprit étouffer la clarté ? L'amour a commencé d'en déchirer le voile. Et si par la faveur de quelques bonnes étoiles, je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal... Adieu ! Comment si vite ? Il m'est dans la pensée venu tout maintenant une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point comment la tient de près ? Qui dans cette maison pourrait avoir accès ? J'en use sans scrupule, et ce n'est pas merveille qu'on se puisse, entre amis, servir à l'appareil. Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer, et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais, de quelque air que je m'y sois pu prendre, adouci leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels coups certaines vieilles en main, d'un génie à vrai dire au-dessus de l'humain. Elle m'a, dans l'abord, servi de bonne sorte, mais depuis 4 jours, la pauvre femme est morte. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens ? Non, vraiment, et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Oh, vous voyez ce que je vous confie. Comme il faut devant lui que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi, pour une innocente en esprit si présent ? Elle a faim d'être-t-elle à mes yeux, la traîtresse, ou le diable, à son âme, a soufflé cette adresse ? Enfin, me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a, le traître, empaumé son esprit, qu'à ma suppression il s'est ancré chez elle. Et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol de son cœur, et l'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée, et j'enrage de voir ma prudence trompée. Je sais que pour punir son amour libertin, je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin que je serai vengé d'elle par elle-même. Mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on aime. Ciel, puisque pour un choix j'ai tant philosophé, faut-il de ses appâts m'être si fort coiffé ? Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse, elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant, je l'aime, après ce lâche tour, jusqu'à ne me pouvoir passer de son amour. Sot, n'as-tu point de honte ? Ah, je crève, j'enrage, je souffletterai 1000 fois mon visage. Je veux entrer un peu, mais seulement pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. Ciel, faites que mon front soit exempt de disgrâce. Ou bien, s'il est écrit qu'il faille que j'y passe, donnez-moi tout au moins en de tels accidents la constance qu'on voit de certaines gens. Mes peines, je l'avoue, à demeurer en place. Et de mille soucis, mon esprit s'embarrasse pour pouvoir mettre en ordre, et dedans, et dehors, qui, du god Luraud, rompe tous les efforts. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue? De tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue. Et bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant, je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile, et les bouillants transports dont s'enflammait mon cœur y semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle. Et cependant, jamais je ne la vis si belle, jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux de désir si pressant. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi ? J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants et cru la mitonner pour moi durant 13 ans afin qu'un jeune fou dont elle s'amourache me la vienne enlever jusque sur la moustache lorsqu'elle est avec moi mariée et admise. Non, parbleu, non, parbleu. Petit sot, mon ami, vous aurez beau tourner. Ou j'y perdrai mes peines, ou je rendrai ma foi vos espérances vaines et de moi tout à fait. Vous ne vous rirez point. Ah, me voilà, bonjour. Me voici tout à point pour dresser le contrat que vous souhaitez faire. Comment faire? Il le faut dans la forme ordinaire. À mes précautions, je veux songer de près. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Il se faut garantir de toutes les surprises. Suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra point, de peur d'être déçu, quittancer le contrat que vous n'ayez reçu. J'ai peur, si je vais faire éclater quelque chose, que de cet accident par la ville on ne glose. Eh bien, il est aisé d'empêcher cet éclat. Et l'on peut, en secret, faire votre contrat. Mais comment faudra-t-il qu'avec elle, j'en sorte? Le douaire se règle au bien qu'on vous apporte. Je l'aime, et cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Quel traitement lui faire en pareille aventure? L'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du dot qu'elle a. Mais cet ordre n'est rien et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien. Si, pour le précipu, il y regarde ensemble. Je dis que le futur peut, comme bon lui semble, douer la future. Il peut l'avantager lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger. Et ceci par douaire, ou préfixe qu'on appelle, qui demeure perdu par le trépas d'Icel, ou sans retour qui va de la dique à Césoire, ou coutumier, selon les différents vouloirs, ou par donation, dans le contrat formel qu'on fait ou pur et simple, ou qu'on fait mutuel. Pourquoi hausser le dos? Est-ce qu'on parle en fait et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat? Qui me les apprendra? Personne, je présume. C'est je... conjoint, on est, par la coutume, comme un immeuble, biens immeubles et conquêts, à moins que par un acte on y renonce exprès. Sais-je pas que le tiers du bien de la future entre en communauté pour... Oui, c'est chose sûre, vous savez tout cela, mais qui vous en dit mot? Vous, qui me prétendez faire passer pour sot, en me haussant l'épaule et faisant la grimace. La peste soit fait l'homme et sa chienne de face. Adieu, c'est le moyen de vous faire finir. Pour dresser un contrat, m'a-t-on pas fait venir? Oui, je vous ai mandé, mais l'affaire est remise et l'on vous mandera quand l'heure sera prise. Voyez quel diable d'homme avec son entretien. Je pense qu'il en tient et je crois penser bien. M'êtes-vous pas venu quérir pour votre maître? Oui. J'ignore pour qui vous le pouvez connaître, mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est un fou fiéfé. Ils manqueront pas. Monsieur! Approchez-vous, vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles. Le notaire! Laissons, c'est pour quelque autre jour. On veut, à mon honneur, jouer un mauvais tour. Et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait être si l'on avait ôté l'honneur à votre maître? Vous n'oseriez après paraître en nul endroit, et chacun, vous voyant, vous montrerait au doigt. Donc, puisqu'autant que moi, l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une telle garde que le galant ne puisse en aucune façon... Vous avez tantôt montré notre leçon. Mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre. Ah, vraiment? Nous a savons comme il faut s'en défendre. S'il venait doucement, Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes un sot. Bon, Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un nico. Bon, quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertus? Vous êtes un fripon. Bon, bien, ma mort est sûre si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un bonnet, un impudent. Bon, bien, je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour voir, et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Ah donc ? Bon, cela ! Hors d'ici ! Bon ! Mais tout ! Bon, voilà, c'est assez. Fais-je pas comme il faut ? Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre ? Oui, fort bien. Or, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions? Point suffit, rentrez tout de suite. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, vous dis, je rentrez, puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins. Je veux, pour espion qui soit d'exacte vue, prendre le savetier du coin de notre rue. Dans la maison, toujours, je prétends la tenir, y faire bonne garde. Et surtout en bannir, vendeuse de rubans, perruquière, coiffeuse, faiseuse de mouchoirs, gantière, revendeuse. Tous ces gens qui, sous-main, travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Enfin, j'ai vu le monde et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses si message ou poulet de sa part peut entrer. Oh, la place m'est heureuse de vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Ou sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seule, dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès qui, des arbres prochains, prenait un peu de frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine, tous deux, dans sa chambre, étions-nous, qu'elle a, sur les degrés, entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu, dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré. D'abord, je ne le voyais pas, mais je l'œillais marcher, sans rien dire, à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables, et donnant quelquefois de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait, et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée des vases dont la belle ornait sa cheminée. Et sans doute, il faut bien qu'à ce bec cornu, du trait qu'elle a joué quelques jours soit venu. Enfin, après son tour, ayant de la manière sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère, mon jaloux, inquiet, sans dire son ennui, est sorti de la chambre. Et moi, de mon étui. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé. Mais je dois, cette nuit, dans sa chambre, un peu tard, m'introduire sans bruit. En toussant par trois fois, je me ferai connaître, et je dois, au signal, voir ouvrir la fenêtre, dont avec une échelle et secondé d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre, et goûta-t-on 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Quoi ? L'instant qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence, et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. En sage philosophe, on m'a vu 20 années contempler des maris, les tristes destinées, et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents. Des disgrâces d'autrui, profitant dans mon âge, j'ai cherché les moyens, voulant prendre une femme, de pouvoir garantir mon front de tous affronts et le tirer de pair avec les autres fronts. Pour ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique. Et comme si, du sort, il était arrêté que nul homme, ici-bas, n'en serait exempté. Après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières, après 20 ans et plus de méditation pour me conduire en tout avec précaution, de tant d'autres maris j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Ah, bourreau de destin, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit, qu'on prend pour ce galant exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Ce m'est quelque plaisir, parmi tant de tristesse, que l'on me donne avis du piège qu'on me dresse, et que cet étourdi qui doit m'être fatal fasse son confident de son propre rival. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras. Et votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement! Quels chagrins sont les vôtres?

Vous êtes en courant. Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique sur ce sujet votre honneur vous inspire, que c'est être à demi ce que l'on vient de dire, que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Moi, je le jure encore, et je vais de ce pas, contre cet accident, trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion. Et si vous m'y servez, selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que vous savez, n'en faites pas de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit. Dans la chambre d'Agnès, entrer par escalade. Mais il nous faut, nous trois, dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton. Et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux, à l'envie, vous me chargiez ce traître, mais d'honneur, dont son don garde le souvenir, et qui lui puisse apprendre à n'y plus revenir, sans me nommer pourtant, en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux ? S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je bats si j'y vais de main morte. La mienne, quoiqu'aux yeux elle semble moins forte, n'en quitte pas sa part à le bien étriller. Rentrez donc. Et surtout, gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris qui sont dans cette ville de leurs femmes ainsi recevaient le galant, le nombre des cocus ne serait pas si grand. Nous vous avons rendu, monsieur, obéissance. De cette excuse, en vain, vous voulez vous armer. L'ordre était de le battre, et non de l'assommer. Et c'était sur le dos, et non pas sur la tête, que j'avais commandé qu'on fît choir la tempête. Ciel, en quel accident me jette ici le sort, et que puis-je résoudre à voir cet homme mort ? Rentrez dans la maison, et gardez de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître, et je vais consulter comment, dans cette affaire, je me dois comporter. Hélas, que deviendrai-je ? Que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire ? Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. N'est-on jamais prévu ? Qui va là, s'il vous plaît ? C'est vous, seigneur Arnolf ? Oui, mais vous ? C'est Horace ! Je m'en allais chez vous, vous priez d'une grâce. Vous sortez bien matin ? Quelle confusion ! Est-ce un enchantement ? Est-ce une illusion ? J'étais à dire au frère dans une grande peine, et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi. Et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire. Et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner, mais étant sur le point d'atteindre la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître qui sur moi, brusquement, levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Et ma chute, aux dépens de quelques meurtrissures, de 20 coups de bâton, m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont était, je pense, mon jaloux, ont imputé ma chute à l'effort de leurs coups, et comme la douleur en assez long espace m'a fait, sans remuer, demeurer sur la place, ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé, et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. J'entendais tous leurs bruits dans le profond silence. L'un l'autre, ils s'accusaient de cette violence, et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement. Si j'étais mort. Je vous laisse à penser si dans la nuit obscure j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi, et comme je songeais à me retirer, moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès émue, avec empressement et de vers moi venue, car les discours qu'entre ces gens avaient tenus, jusque à son oreille étaient d'abord venus, et pendant tout ce trouble, étant moins observée, du logis aisément elle s'était sauvée. Mais, me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter. Que vous dirais-je enfin ? Cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin s'est commise à ma foi. Considérez un peu par ce trait d'innocence, où l'expose d'un fou la haute impertinence ! Et quel fâcheux péril elle pourrait courir si j'étais maintenant homme à la moins chérir ! Mais, d'un trop pur amour, mon âme est embrasée, j'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des appâts dignes d'un autre sort, et rien ne m'en serait séparé que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père, mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère. à des charmes si doux, je me laisse emporter, et dans la vie, enfin, il se faut contenter. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle, que, dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde, il faut cacher sa fuite et qu'on en pourra faire une exacte poursuite, vous savez qu'une fille aussi, de sa façon, donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, n'en doutez pas, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, vous dites. Je me sens ravir de cette occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâce au ciel de ce qu'il me l'envoie et n'ai jamais rien fait avec si grande joie. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde et dans votre sagesse vous savez excuser le feu de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Mais comment ferons-nous, car il fait un peu jour? Si je la prends ici, on me verra peut-être. Et s'il faut que chez moi vous veniez apparaître, des valets causeront. Pour jouir au plus sûr, il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. Cette allée est commode et je l'y vais attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Oh fortune, ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous loger avec moi, ce serait tout détruire. Venez donc par ici et laissez-vous conduire. Mais pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi, vous pourriez douter de ma douleur extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on me tire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Mais suivre un inconnu que... N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez que bien. Je me trouverai mis entre celles d'Horace et j'aurai... Attendez! Adieu, le jour me chasse. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence et je puis maintenant dormir en assurance. Venez! Ce n'est pas là que je vous logerai, et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage friponne dans cette occasion rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux le galant à votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah ah! Si jeune encore, vous jouez de cet tour. Votre simplicité qui semble sans pareil demande si l'on fait les enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit. Et poursuivre un galant vous évader sans bruit. Tu Dieu, comme avec lui votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui, entre tout d'un coup, vous en a tant appris? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits? Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardi? Oh, coquine, en venir à cette perfidie, malgré tout mes bienfaits, former un tel dessein. Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein et qui, dès qu'il se sent, par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qu'il flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi je prétendais vous prendre et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Je vous le mariage fâcheux et pénible et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même? Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinente? Et là, c'est ce que j'en puis aimer. Lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi, point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, je suis jet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas, à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je meure? Pourquoi ne m'aimez pas, madame la pudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je m'y suis efforcé, de toute ma puissance. Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus, tous. Vraiment? Il en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme raisonne et répond la vilaine. peste, une précieuse en dirait-elle plus. Ah, je l'ai mal connue, ou ma foi, là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement, votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps je vous aurai, pour lui, nourri à mes dépens ? Non, il vous rendra tout, jusque au dernier double. Elle a de certains mots, mon dépit redouble. Me rendra-t-il coquine avec tout son pouvoir ? Les obligations que vous pouvez m'avoir ? Je ne vous en ai pas de si grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance ? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte ? Et qu'enfin dans ma tête je ne juge pas bien que je suis une bête ? Moi-même j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte, si je puis. Vous fuyez l'ignorance et voulez, quoi qu'il coûte, apprendre du blondin quelque chose. Sans doute, c'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade ma main. De ce discours me venge la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur. Et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui de son action m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour cette traîtresse les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection, ce n'est qu'extravagante et qu'indiscrétion, leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse. Je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire ? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne et quitte ce morveux. Et l'amour qu'il te donne, c'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras toujours, va. Je te le proteste, sans cesse, nuit et jour, je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, et cela c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller ? Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate ? Me veux-tu voir pleurer ? Veux-tu que je me batte ? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux ? Veux-tu que je me tue ? Dis oui ! Si tu le veux, je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec deux mots, en ferait plus que vous. Ah, c'est trop me braver ! Trop pousser mon courroux, je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout, mais un cul de couvent me vengera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés ensemble. La voici ! En sachant ramener le léger, ce ne sera pas là qu'il la viendra chercher, puis c'est seulement pour une demi-heure. Je vais, pour lui donner une sûre demeure, trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux, et surtout, gardez-vous de la quitter des yeux. Peut-être que son âme étant dépaysée pourra de cet amour être désabusée. Ah, je viens vous trouver, accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolf, a conclu mon malheur. Et par un trait fatal d'une injustice extrême, on me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il mettait pied à terre ici près. Et la cause, en un mot, d'une telle venue, qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié sans m'en récrire rien, et qu'il vient dans ces lieux célébrer ce lien. Jugez, en prenant part à mon inquiétude, s'il pouvait m'arriver un contre-temps plus rude. C'est Henri que, dont hier, je m'informais à vous, cause tout le malheur dont je ressens les coups. Il vient avec mon père achever ma ruine, et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai, dès leur premier mot, pensé m'évanouir. Et d'abord, sans vouloir plus longtemps les ouïr, mon père ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit plein de frayeur, je l'ai devancé vite. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qui le pourrait aigrir, et tâchez, comme en vous il prend grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Oui, là. Conseillez-lui de différer un peu, et rendez en ami ce service à mon feu. Je n'y manquerai pas. C'est donc vous que j'espère. Fort bien. Mais je vous tiens mon véritable père. Dites-lui que mon âge. Ah, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Aussitôt qu'à mes yeux, je vous ai vu paraître, Quand on ne m'eût rien dit, j'aurais su vous connaître. Je vous vois tous les traits de cette aimable sœur, dont l'hymen autrefois m'avait fait possesseur. Et je serais heureux si la parque cruelle m'eût laissé ramener cette épouse fidèle pour jouir avec moi de sensibles douceurs, de revoir tous les siens après nos longs malheurs. Mais comme du destin, la fatale puissance nous prive pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contenter du seul fruit amoureux qu'il m'en ait pu rester. Il vous touche de près. Et sans votre suffrage, j'aurais tort de vouloir disposer de ce gage. Le choix du fils d'Oronte est glorieux de soi, mais il faut que ce choix vous plaise, comme à moi. C'est de mon jugement, avoir mauvaise estime, que douter si j'approuve un choix si légitime. Oui, je vais vous servir de la bonne façon. Gardez encore un coup. N'ayez aucun soupçon. Oh ! Que cette embrassade est pleine de tendresse. Que je sens à vous voir une grande allégresse. Je suis ici venu... Sans m'en faire au récit, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit ? Oui, tant mieux. Votre fils à cet hymen résiste, et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même prié de vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je vous puis donner, c'est de ne point souffrir que ce nœud se diffère, et de faire valoir l'autorité d'un père. Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens, et nous faisons contre eux à leur être indulgents. Oh, traître ! Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère, que je crois, sera de mon avis. Quoi ? Se laissera-t-il gouverner par son fils ? Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse de ne pas savoir faire obéir la jeunesse ? Il serait beau vraiment qu'on le vit aujourd'hui prendre loi de qui doit la recevoir de lui. Non, non, c'est mon intime, et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne, qu'il fasse voir ici de fermes sentiments et force de son fils tous les attachements. C'est parler comme il faut, et dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Et je suis surpris pour moi du grand empressement que vous me faites voir pour cet engagement, et ne puis deviner quel motif vous inspire. Je sais ce que je fais, et dis ce qu'il faut dire. Oui, oui, seigneur Arnold, filet. Ce nom les gris, c'est monsieur de la souche, on vous l'a déjà dit. Il n'importe. Grand ange. Ouais, c'est là le mystère, et vous pouvez juger ce que je devais faire. Oh, quel trouble! Monsieur! Si vous n'êtes pas prêt, nous aurons de la peine à retenir Agnès! Elle va à tout coup s'échapper, et peut-être qu'elle ne se pourrait bien jeter par la fenêtre! Faites-le-moi venir! Aussi bien de ce pas prétends-je l'emmener! Ne vous en fâchez pas! Un bonheur continu rendrait l'homme superbe, et chacun à son tour, comme dit le proverbe! Quels mots peuvent au ciel égaler mes ennuis, et s'est-on jamais vu dans l'abîme où je suis? Assez vite, le jour de la cérémonie, j'y prends part, et déjà moi-même je m'en prie! C'est bien notre dessein! Venez, belle, venez! On ne saurait tenir, et qui vous mutinez! Voici votre galant, à qui, pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement trompe un peu vos souhaits, mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Mais c'est vous, Horace, emmené de la sorte. Je ne sais où j'en suis, tant ma douleur est forte. Allons, causeuse, allons. Je veux rester ici. Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci. Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisir, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Donc prétendez-vous, allez-vous ne nous parler point comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit, la fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Sur quoi votre discours était-il donc fondé ? Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi ? D'un hymen secret. Ma sœur eut une fille dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous de fin nom, pour ne rien découvrir, par son époux au champ, fut donnée à nourrir. Et dans ce temps, le sort lui déclara la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et d'aller essuyer mille périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mer. Tous ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains, à 4 ans, elle l'avait remise. Et qu'elle l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport et l'allégresse en larmes, a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme. Et vous allez enfin la voir venir ici pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous est un si grand bien, ne vous point marier, on est le vrai moyen. Oh. bien qu'il s'enfuit sans rien dire. Ah, mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les doux nœuds d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle. Et c'est elle, en un mot, que vous venez chercher, et pour qui mon refus a pensé-vous fâcher. Je n'en ai point douté, d'abord que je l'ai vue, et mon âme, depuis, n'a cessé d'être émue. Ah, ma fille, je cède à des transports si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous. Mais ces lieux et cela ne s'accommodent guère. Allons dans la maison, débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux. Veuillez écouter maintenant le débat de la tribune libre de Théâtre Université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Daniel Lecourtois de la Comédie Française, Paul-Louis Mignon, Marcel Giraudet, André Blanc, professeur de lettres au lycée Jean Sansailly, Marguerite Cala et Dominique Paramitiati, élève de lettres supérieures au lycée Jean Sansailly. Marguerite Cala. J'ai été particulièrement frappée par le décor qui comprenait deux maisons de chaque côté de la scène et des balustrades. Le fond de la scène représentait un parc. Et ce décor conditionnait le jeu des acteurs de telle façon que l'espace scénique semblait particulièrement rétréci. Je voudrais savoir quelles étaient les intentions du metteur en scène. Daniel Lecourtois. Je vais répondre à mademoiselle et à la place de M. Jean Meyer, qui doit être ici, mais qui étant très fatigué, n'a malheureusement pas pu venir. C'est dommage puisqu'il est l'interprète, comme nous le savons, et le réalisateur de la pièce. Je répondrai donc pour lui. C'était la conception volontaire de M. Meyer de réduire en quelque sorte les proportions de la scène à un tréteau, et où le décor est fait simplement pour évoquer le lieu. Et vous avez même remarqué que les maisons ne sont même pas à l'échelle des personnages, elles sont plus petites, et qu'il y a des lustres également dans le décor, bien que ça se passe sur une place publique. Ce rétrécissement du plateau était volontaire pour concentrer l'action uniquement sur les personnages et qu'il n'y ait pas de dispersion dans une mise en scène qui aurait pu être plus spectaculaire. Et quant au lustre également qui se trouve sur cette place publique, Jouvet, qui avait monté la pièce d'une façon justement beaucoup plus décorative, beaucoup moins schématique, avait également mis des lustres sur le plateau. Et ça avait même valu cette réplique amusante de Jouvet, à qui l'une épaule est dit justement « Pourquoi, quand avez-vous vu qu'on mette un lustre dans un jardin ?» Et Jouvet lui a répondu « Mais au théâtre. » Ce qui était la vérité, puisqu'au théâtre ça se faisait. Et qu'après tout, au théâtre, on peut tout faire, ce n'est pas la vie systématiquement représentée. André Blanc. Oui, j'ai eu l'impression, en effet, qu'il y avait une volonté de reconstitution de la scène telle qu'elle se trouvait au XVIIe siècle. Pas exactement, bien sûr, puisque il me semble qu'on ne possède pas de dessin de Mahelot à propos du décor de l'école des femmes. Simplement quelques indications sur les accessoires. Paul-Louis Mignon. Je crois qu'il faut insister sur la volonté d'abstraire le décor ici. Si l'on considère les fenêtres, elles découvrent le vide seulement et non pas l'intérieur d'une maison. Volonté donc de fuir tout réalisme et par le rétrécissement du lieu scénique d'empêcher, je crois, les comédiens de jouer. C'est-à-dire volonté dès le départ de dire le texte de telle façon que le spectateur l'entende et en tire lui-même sa propre interprétation. Eh bien, mademoiselle, que pensez-vous, en fonction de ce que vient dire Paul-Louis Mignon, du jeu de Meyer dans Arnolphe? Je dois dire que Jean Meyer n'a pas répondu à la conception que je me faisais du personnage d'Arnolphe. Il m'a apparu que Jean Meyer faisait d'Arnolphe un personnage essentiellement vaniteux. Il ne faisait ressortir principalement que ce côté-là. Et quelle conception vous faisiez-vous du personnage avant d'avoir vu la représentation de l'école des femmes? Il y a le côté vaniteux d'Arnolphe dans Molière, qui est essentiellement exprimé par Molière. Mais ça, c'est expliqué par le fait qu'Arnolphe a une certaine position sociale à remplir. Il est vaniteux comme on l'est dans son époque, dans sa classe sociale. Mais il y a autre chose aussi, il y a l'amour qu'il porte à Agnès. Pas tellement au début, mais il y a une progression du personnage. Et je crois que cet amour n'a pas été assez marqué. Il y a la douleur du personnage, qui n'a pas été assez accentuée. Dominique Paramitiotti. Pour ma part, j'ai découvert, dans l'interprétation de Jean Meyer, le côté cynique d'Arnolphe. Que vous n'aviez pas découvert à la lecture. Non, en effet, pour moi, le personnage d'Arnolphe était un personnage très, plutôt tragique, finalement, qui n'avait pas ce côté cynique. Arnolphe a une façon, par exemple, de regarder Agnès qui dénote un amour physique et pas du tout un amour sentimental. Marcel Giraudet. De tout ce qui vient d'être dit, il semble tout simplement que la mise en scène de Meyer et les décors ont limité le personnage d'Arnolphe. C'est un sentiment ressort de la représentation et qui ne ressort pas vraiment de la pièce même et de l'école des femmes. Et si je peux me permettre une comparaison, je prendrai le décor et la mise en scène totalement opposés que George Wilson avait fait au TNP et qui me semblait mettre le doigt sur des détails du personnage d'Arnolphe beaucoup plus sensibles à la jeunesse actuelle. Par exemple, il était certain que, contrairement au système de Meyer, le TNP avait mis une petite maison qui ressemblait beaucoup à celle de Bérard dans la mise en scène de Jouvet, et autour de cette maison, il y avait d'abord l'allée et un jardin, et au-delà de cette allée et ce jardin, dans des panoramiques, il y avait un autre monde. Et c'était assez spécial, mais c'était très, très remarquable, parce que Arnolphe a trois attitudes. Il a d'abord son attitude personnelle, n'est-ce pas? Et son attitude personnelle, c'était la petite maison et lui-même. Il y avait ensuite l'allée où il recevait Horace avec les problèmes de ses quiproquos, de ses monologues, de ses jeux de passe, de ses pots de bananes qu'Horace et la ville lui tendaient. Et il y avait à l'extérieur un autre monde qui était la ville, le notaire et la famille et le dénouement mal cuit peut-être qui allait se présenter à la fin. Et il me semble que là, à ce moment-là, le caractère cynique, trop cynique et trop abstrait d'Arnolphe ne paraissait pas, son caractère vaniteux ne paraissait pas, il y avait davantage un homme plongé dans une humanité et non pas plongé dans un décor de théâtre assez restreint, éclairé par des lustres. Il me semble que là, il y avait peut-être, dans le fond, une brise d'humanité qui est davantage dans l'école des femmes de Molière que dans l'école des femmes de la Comédie française. Daniel Lecourtois. Eh bien, il peut ressortir de ce que vient de dire M. Giraudet, évidemment, que nous avons, parlant de Jouvet et du TNP, que moi, malheureusement, je n'ai pas vu, des conceptions diverses, c'est pas, qui se présentent en face des œuvres comme celle-ci. Et si on veut en tirer une conclusion un peu constructive, je trouve que M. Giraudet a parfaitement raison pour lui, et que M. Meyer aussi, et M. Jouvet autrefois, et M. Wilson aussi, et que ces chefs-d'œuvre humains peuvent être conçus sous des angles de vision tout à fait différents, et qu'il est très intéressant justement d'établir et de pouvoir établir des comparaisons. Marguerite Callard. Je voudrais demander à M. Lecourtois quelles ont été les intentions, s'il peut nous les dire, de M. Jean Meyer en montant l'école des femmes. Comment M. Meyer voyait-il le personnage d'Arnolphe? Daniel Lecourtois. Je lui avais posé moi-même la question et je lui ai dit est-ce que cette mise en scène que vous avez conçue d'une façon si volontairement schématique, est-ce que c'était subjectivement que vous la voyiez ainsi ou bien objectivement? Et il m'a répondu c'est subjectivement que j'ai conçu le personnage comme ça et la réalisation de cette façon-là. Il avait participé lui-même à la création de, c'est amusant de le dire, où il avait joué un des Indiens à la création de Louis Jouvet, puisque vous savez qu'à la fin, Henri revenait avec des Indiens, n'est-ce pas? Jouvet avait fait une chose très spectaculaire là-dessus, il en jouait un, donc il l'a joué avec Jouvet. Et il a voulu d'ailleurs, je crois aussi, volontairement, et bien qu'il fût l'élève de Jouvet, et qu'il ait la plus grande admiration pour Jouvet et pour l'interprétation personnel qu'il avait donné d'Arnolphe, il a pris en somme, si vous voulez, le contre-pied un peu aussi systématiquement de la réalisation précédente à laquelle il avait participé. Et il a voulu, oui, le jouer avec une très grande économie de moyens, au contraire, faire table rase de tout ce qui pouvait être trop spectaculaire ou trop forcé dans le jeu. Il donne volontiers un schéma très intelligent du personnage. Et c'est ça, c'est ce qu'il a voulu subjectivement. André Blanc. Il me semble qu'avec cette interprétation, avec une mise en scène de cette sorte, certaines scènes, comme par exemple l'intervention du notaire, qui sont, il faut bien le dire, de gros burlesques, perdent de leur force. Et on s'interroge un peu sur leur nécessité. Paul-Louis Mignon. Je crois que tout le problème vient de l'ambiguïté de la comédie moliéresque. Et je crains que Molière, grâce à son double génie d'auteur comique et d'acteur comique, n'ait laissé à ses successeurs un problème insoluble ou presque insoluble. En effet, Molière a introduit dans un cadre, dans une forme théâtrale schématique de la farce et de la comédie italienne, une étonnante richesse humaine. Et il y a toujours contradiction entre cette forme. Dans l'école des femmes, vous voyez tout le recours à la situation du coquage, par exemple, à l'utilisation même de ce terme. Et d'autre part, nous savons tous que à partir d'Arnolphe, autour de l'école des femmes, il y a une mine extraordinaire de réflexion. Cette ambiguïté, eh bien, c'est cela qui justifie, à mon avis, et j'y reviens à ce que je disais au départ, le parti pris de Jean Meyer, c'est d'établir une mise en scène, une interprétation telle que le comédien intervienne assez peu par son interprétation propre et laisse au spectateur la possibilité d'apporter ses propres réflexions dans ce cadre formel du théâtre. Mais ce que je reprocherais à Jean Meyer peut-être, c'est malgré tout d'avoir pris parti pour Arnolphe. Et contrairement à ce qui a pu être dit, je trouve que peut-être Jean Meyer est du parti d'Arnolphe et qu'il a introduit une sensibilité délicate, nuancée du personnage qui n'est, je ne pense pas, celle qu'a voulu y mettre Molière. Dominique Paramitiotti. Cette interprétation de Meyer me semble valable, sûrement, mais elle ôte de la vie au personnage. En voyant cette pièce, je n'ai pas eu l'impression de voir vraiment vivre Arnolphe ou de voir vivre Agnès. Ce sont plutôt une exposition d'idées plus que des personnages vivants sur scène. On leur a ôté, pour ainsi dire, de la chair pour faire éclater plus leurs idées. Il est certain que les idées de Molière ainsi sont mieux développées et mieux saisies, mais ceci enlève du charme au spectacle et enlève finalement un certain mystère qui entoure toujours des personnages au théâtre et qui fait qu'on s'y intéresse peut-être plus. Alors, quel est le problème posé par Molière dans l'école des femmes? Je pense que le problème essentiel est le rapport entre Arnolphe et Agnès. Il me semble qu'un amour est parfaitement possible, un amour sincère, un amour vrai, entre cette fille de 17 ans et un homme de 42 ans. Seulement, il se trouve qu'ici, ça ne va pas, pour la bonne raison qu'Arnolphe s'est rendu particulièrement odieux à l'égard d'Agnès. Il a manqué de psychologie, de la psychologie la plus essentielle, une psychologie primaire. Il s'est imaginé qu'en enfermant une fille pendant 15 ans, il allait de cette façon la garder pour lui. Et je crois que c'est ainsi que se pose le problème. Daniel Le Courtois. Il est certain, vous mettez le doigt sur un des côtés, à mon avis, essentiels de la pièce, c'est qu'il y a, si l'on veut, le thème général d'un, disons, pour employer les mots de l'époque, d'un barbon qui s'éprend d'un tendron, ce qui est au fond assez banal et plutôt pitoyable, mais ce qu'il fait, qu'on ne peut pas, et c'est ce que Molière a tout de même voulu, qu'on ne peut pas s'apitoyer sur le sort d'Arnolphe, c'est qu'il a évidemment fait élever cette fille d'une façon absolument odieuse, en la rendant stupide, enfin, etc. Et il y a donc tout de même, dans le caractère général d'Arnolphe, il y a ce cas. C'est tout de même un cas particulier. C'est un homme qui a tout de même l'esprit déformé. Et en prenant tout de même un cas général, il lui a tout de même donné des traits très particuliers qui font qu'on ne peut pas, en effet, s'apitoyer sur lui. Au fond, le problème, le premier problème en tous les cas, posé par l'école des femmes, serait non pas un problème de rapport d'âge, mais un problème de comportement de la part d'Arnolphe. Parce qu'au fond, dans l'école des maris, Molière soutient la thèse exactement contraire, n'est-ce pas ? Et sa vie à lui-même prouve qu'il est possible qu'il y ait un amour entre un homme âgé et une jeune fille. Justement, je pense que Molière a voulu montrer dans cette pièce que l'amour serait certes possible entre Agnès et Arnolphe, mais que s'il ne naît pas spontanément, il est impossible. C'est la question de la liberté des sentiments. Marcel Giraudet. Je crois qu'une bonne part du génie de Molière a été dans l'école des femmes, justement, d'utiliser, dans une de ses premières pièces importantes, les types que lui apportaient le théâtre italien et le théâtre ordinaire, et d'avoir profité des erreurs que peut commettre un homme comme Arnolphe, et d'en avoir profité en utilisant le grossissement théâtral en même temps. Les procédés de farce, les procédés de colère, les procédés de fausse confidence et de quiproquo servent à ce moment-là un personnage, enfin la peinture d'un personnage qui devient ridicule, beaucoup plus qu'odieux même, parce que je ne crois pas que les gens du temps, les gens du XVIIe siècle, voyaient trop le caractère odieux d'Arnolphe. C'était surtout le caractère ridicule. Il était ridicule de choisir une fille de 4 ans, alors qu'il n'est pas ridicule d'aimer une fille de 17 ans quand on en a 42, vous comprenez? Mais c'est ça le ridicule du procédé. Et ensuite, lorsque il prend sa colère à l'acte 4, une excitation passionnelle d'ailleurs extraordinaire, qui peut, si on interprète mal le personnage, faire qu'on peut avoir pitié de lui et qu'on ne doit pas avoir pitié de lui, il y a là tous les éléments d'un métier d'homme de théâtre très raffiné, mis à la disposition d'une psychologie à la fois simplette et en grande partie erronée, parce que l'école des femmes touche quelquefois à la farce. Le problème n'est pas essentiel. Le problème, ou alors c'est un problème social, on peut alors à ce moment-là faire autant de place aux maximes sur le mariage, qui sans doute correspondait à quelque chose de fondamental dans la psychologie sociale et dans l'entourage même du roi, mais alors à ce moment-là nous rentrons dans un monde tellement lointain que nous allons nous y fourvoyer et nous allons tomber dans des impasses. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème aussi extrêmement important qui est en fait le problème que pose Agnès? Je ne dis pas le problème d'Agnès, le problème qu'elle pose. En bref, chasser le naturel, il reviendra au galop, c'est cela, n'est-ce pas? Dans quelle mesure un être humain élevé dans l'erreur systématique ne retrouve pas, grâce au bon sens qui habite chacun de nous, à retrouver les voies normales de la vie, l'intelligence de la vie. André Blanc. Oui, il y a le bon sens, je ne sais pas. Mais sur ce point, la représentation de l'école des femmes m'a apporté quelque chose à quoi je n'avais pas songé. C'est que Agnès paraît avoir d'abord supporté pendant ses 17 ans ou ses 12 ans très bien la façon dont on l'élevait. Et brusquement, en même temps que l'amour d'Horace, qui est à peine naissant à ce moment-là, s'éveille en elle un sentiment de révolte presque surprenant. Dès les premières scènes, et alors là, cela paraît très bien dans la mise en scène de Jean Meyer et le jeu de Daniel Ajoret. Ça paraît très bien. C'est parce que, brusquement, elle se rend compte qu'il y a un monde au-delà de celui qu'on lui a présenté et que Arnolphe devient brusquement une barrière pour elle. Et elle met un entêtement à lutter contre cette barrière, j'ose à peine dire qu'il est féminin, mais enfin, qui est caractéristique. Et je crois que peu importe, en définitive, pour Agnès, le personnage d'Horace, il est insignifiant, Horace, c'est une pâture quelconque. Seulement, c'est au-delà. Et alors, l'ennemi numéro un, ça devient Arnolphe. Et ce qui fait qu'elle utilise tous les moyens, même, il faut bien dire, les plus déloyaux, parce que si elle est innocente au début, elle devient, au moment du gré, par exemple, et de la lettre qui est envoyée avec ce gré, singulièrement perfide. Oui, alors d'après vous, ce serait beaucoup plus la révolte que l'amour qui serait le mobile fondamental de la découverte d'Agnès par elle-même. Il n'y a peut-être pas d'amour sans révolte. Oui. Marcel Giraudet. Oui, mais il y a aussi quelque chose, c'est que si elle se révolte contre Arnolphe, c'est l'attrait du plaisir. C'est autre chose. Du bonheur, la recherche du plaisir. Elle le dit à plusieurs reprises. Que vous me faites de plaisir. Et Horace, avec quelques mots, dans le fond, fait plus que vous, dans le fond, pour mon plaisir. C'est le plaisir qu'elle va chercher. Et c'est peut-être pour ça que, vraisemblablement, l'amour qu'elle a pour Horace n'est pas un véritable amour, et que c'est simplement un moyen de s'échapper et de sortir d'un univers peu satisfaisant pour elle. Dans son genre, elle est aussi égoïste qu'Arnolphe. Moi, j'en suis sûr. Oui, mais elle a quelques droits de l'être. Oui. Paul-Louis Mignon. Ce qui me semble en effet nous toucher encore aujourd'hui dans l'école des femmes, et d'abord dans l'école des femmes, c'est justement la naissance de cet animal-là dont il est question. C'est-à-dire pour l'homme d'un être qui, finalement, quoi qu'on fasse, lui échappe. Il y a peut-être des rencontres momentanées, et puis de nouveau, la femme lui échappe, et c'est le grand problème du rapport de l'homme et de la femme chez Molière, qu'il s'agisse de Georges Dandin, du misanthrope. Et cela me semble être le fond même de l'œuvre de Molière. Oui, c'est-à-dire que, précisément, vous rejetez aujourd'hui tout ce qui pourrait y avoir références qui se perdent dans l'histoire, pour ne garder chez Molière que le problème qui arrive à nous toucher aujourd'hui. Si nous sommes touchés par l'école des femmes, c'est qu'on s'y reconnaît encore. Oui, je pense qu'Agnès, et je crois que vous avez raison, Monsieur Blanc, de parler de la révolte d'Agnès, mais Agnès, sans doute, est sympathique parce que avec elle, la nature se dégage des contraintes absurdes, c'est pourquoi Molière a lutté dans tout son théâtre. Mais en même temps, Agnès finit par être un personnage inquiétant et dangereux. Agnès, Marguerite Calla. Agnès est-elle sympathique ? Cela, je n'en suis pas très sûre. Parce qu'au moment où elle devrait, enfin dans la mise en scène de Jean Meyer, elle l'est dans une certaine mesure, peut-être justement parce que Arnolf ne lui a pas répondu sur le plan que je pensais être le sien. Il n'était pas assez pitoyable. Et alors, dans cette mesure, on peut excuser Agnès. Vous savez, quand Arnolf devient par le jeu de l'acteur pitoyable, et c'est facile, n'est-ce pas, eh bien, alors, la cruauté d'Agnès éclate de toute manière et encore beaucoup plus. Maintenant, quel est, alors, le mécanisme du rire dans l'école des femmes ? Parce que on est en train d'aborder des problèmes qui semblent finalement, du point de vue social ou du point de vue psychologique, extrêmement graves. On dit que tout cela est très désincarné, très stylisé, très dessiné à la Bernard Buffet. Eh bien, on s'aperçoit quand même que d'un bout à l'autre, on assistait à une comédie et que les gens riaient. Ils riaient au XVIIe siècle de choses dont nous ne rions plus aujourd'hui, mais nous continuons quand même à rire. Il y a toutes ces longues dissertations sur le cocuage qui, quand même, si elles ne font pas rire, font au moins sourire. Et il y a devant nous, beaucoup plus qu'une exposition psychologique, une comédie dont on trouve quand même son plaisir. Marcel Giraudet. Moi, je crois que c'est parce que c'est un sujet qui est très grave et qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que ce sont des êtres burlesques qui sont sur la scène et que le scandale qu'ils devraient créer, dans le fond, est un scandale pour rien. Moi, je crois que c'est un peu ça. Moi, je crois que le rire, comme bien souvent, jaillit d'une espèce de dénonciation inattendue d'absurdité que d'ordinaire on admet couramment. Par exemple, dans ce domaine de l'éducation des femmes, n'est-ce pas, qu'un père prépare pour son fils, et je prends l'exemple le plus communément admis, je ne vais pas parler de je suis celui d'Arnolf, au contraire, prépare pour son fils une fiancée dès que celle-ci a 4 ans ou dès sa naissance, c'est parfaitement admis, et ça ne fait rire personne. Seulement, il suffit qu'Arnolf en parle sur la scène, la façon dont Molière l'en fait parler, ce qu'il lui fait dire, dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Cela suffit à faire éclater cette convention. Et alors, cela pourrait être douloureux si la paix, si le bonheur, si l'on veut, n'était pas sauvegardé par la forme même de la pièce, parce qu'il y a, comme dans toutes les comédies de Molière, un rythme qui rassure les spectateurs et qui les entraîne jusqu'à la fin, où on leur dit, parce que ça s'arrange, parce que ça finit par un mariage, où on referme l'espace, et où on leur dit, voilà, c'était pour rire. Et ça, ils l'attendent, et ils rient d'un bout à l'autre. Et c'est le rythme de l'étourdi. C'est le rythme de l'étourdi. Je vois qu'il y a un mécanisme comique assez banal, finalement, si on se réfère à l'histoire de la comédie. Et c'est, je crois, l'intérêt qu'il y a pour Jean Meyer de souligner la vanité du personnage, c'est que ce personnage est toujours sûr de lui. Il est sûr de lui dans les 20 ans pendant lesquels il a fait élever Agnès pour en faire une idiote et en faire sa femme, une femme en qui il est certainement confiance. Il est toujours sûr de rouler Horace. Il est toujours sûr de dominer Agnès dans la comédie elle-même que nous voyons. Et il est toujours trompé. Et lorsqu'il est trompé, il n'y a dans ses réactions aucune générosité, aucune conscience humaine, il s'enferre dans sa vanité, et c'est de là, je crois, que naît son ridicule. Mais à force d'être vaniteux, à force de faire ressortir ce caractère vaniteux du personnage, je trouve que Jean Meyer a déshumanisé le personnage au point d'en faire un fantoche. Mais n'est-ce pas un fantoche ? Mais oui. Non, je ne crois pas. Les personnages de Molière sont toujours humains. Mais ça, il est très difficile quand même d'accorder son crédit à Arnolphe. Moi, je crois que c'est un fantoche. Je crois que c'est un fantoche odieux. Je crois que les propos que lui prête Molière et le mécanisme dramatique dans lequel il a mis et que nous venons d'analyser et qui provoque automatiquement le rire font que, indiscutablement, il est perdu pour les hommes et que c'est pour cela qu'à la fois il fait rire et qu'il fait rire sans regret, même si par moments il souffre. Marcel Giraudet. Mais pourquoi à la représentation on sent souvent des échos à l'envers, et puis mais des échos du rôle d'Alceste. Pourquoi ne rit-on pas, pourquoi ne rejette-t-on pas régulièrement Alceste comme on rejette Arnolphe ? Le problème n'est pas le même, mais sur le plan humain quand même, sur le plan humain, quand on humanise les deux personnages, Alceste qui devrait être lui aussi un fantoche, en proie à une femme célimène qui est une Agnès multipliée par 100, n'est-ce pas ? Et avec des retours de conscience et d'esprit que Agnès ne peut pas avoir, pourquoi est-ce qu'on ne rit pas d'Alceste de la même façon ? Mais parce que tous les deux certainement sont des caractériels et sur ce plan-là, il y a peut-être une ressemblance, mais une ressemblance somatique, mais qu'en réalité, Alceste est un honnête homme, et on se plaît en sa compagnie, et il est certain qu'on partage le drame d'Alceste, d'autant plus qu'Alceste, dans tout son orgueil, et non plus sa vanité, dans tout son orgueil, a au moins l'aveu de dire « Eh bien, mon amour est une chose absurde et impossible, mais enfin, ce n'est pas la raison qui règle l'amour. » Il fait cet aveu, et sur cet aveu, tout son drame est construit. À partir de ce moment-là, nous sommes solidaires de lui. Nous sommes solidaires de toutes ses pensées, et je dirais même de toutes ses extravagances. Alors que même ce qui rapprocherait Arnolphe de l'humain nous est odieux. Nous l'avons rejeté. C'est justement deux personnages qui ont pris deux voix tellement différentes, n'est-ce pas, que pour nous, le choix est extrêmement simple. André Blanc. Si Molière prend beaucoup de précautions pour nous montrer qu'Alceste est vraiment un honnête homme, il a déjà pris dans l'École des femmes à peu près les mêmes pour nous montrer qu'Arnolphe n'est pas un honnête homme. Et dès le début, par exemple, son attitude que Chrysalde ne cesse de dénoncer envers les maris infortunés. Alors là, on nous le présente vraiment comme quelqu'un qui est telle que, ma foi, ce sera bien fait, ça lui retombe sur le nez. Et aussi bien Chrysalde a cette attitude très moqueuse, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Arnolphe, alors que Philinte a beaucoup de respect pour son ami Alceste, et les deux premières scènes d'exposition montrent que l'une est certainement une scène de grosse comédie qui commence, n'est-ce pas, où le personnage sera rejeté par le spectateur, alors qu'on sent qu'entre Philinte et Alceste, il y a deux interprétations philosophiques de la vie qui, l'une et l'autre, sont parfaitement valables. Maintenant, sur un autre plan, se pose un problème extrêmement intéressant. Comment se fait-il que, sur l'École des femmes, Molière ait été à ce point attaqué qu'il lui ait fallu, pour répondre, écrire deux pièces, la critique de l'École des femmes et l'impromptu de Versailles. André Blanc. Eh bien, j'aimerais bien dire qu'il n'y a pas eu de scandale de l'École des femmes, mais ce serait faux, il y en a eu un. Seulement, il n'a pas pris, je crois, tout de suite l'allure que nous lui concevrions maintenant. Il y a eu, en somme, trois attaques contre Molière. Des attaques d'ordre littéraire, on lui a reproché tout de suite à sa comédie de ne pas respecter les règles. Des attaques d'ordre de la décence, le fameux « le » et les autres allusions, et puis aussi des attaques alors d'ordre religieux. Mais on s'est pas beaucoup attaqué à la fameuse question de la différence d'âge, à des problèmes analogues. Non, le problème religieux, qui évidemment a été le scandale religieux qui a été le plus important, parce qu'il connaîtra un rebondissement avec Tartuffe, et parce que les dévots dressaient facilement l'oreille, n'est-ce pas ? Déjà, Molière était un comédien, premièrement, un comédien qui avait du succès, et qui avait du succès auprès du roi. Alors déjà, il paraissait de la bonne, dans les intérêts de la morale et de la religion, dirais-je, de chercher à rétrécir son influence et à l'éliminer, sans compter que c'est la fameuse année du carême du Louvre, 1662. C'est une année où Louis XIV se rebelle déjà contre le joug de sa mère et où justement il n'est pas encore conquis, ou enfin il est bien loin d'être attaché au parti dévot. Et alors, les dévots ont dressé l'oreille à ce moment-là à propos d'un détail, en somme, de la pièce, à propos du sermon et à propos des maximes du mariage, où d'ailleurs personne ne paraît avoir reconnu celle de Grégoire de Nazianze, je crois, mais ça les a choqués parce qu'on parlait de choses saintes sur le théâtre, et c'est en fin de compte le reproche qu'ils feront toujours à Molière. La radiodiffusion française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. C'était aujourd'hui L'École des femmes, comédie de Molière, jouée par les comédiens français dans la distribution suivante. Arnolphe Jean Meyer, Agnès Daniel Ajoret, Horace Jacques Toja, Alain Jean-Paul Roussillon, Georgette Catherine Samy, Chrysalde Daniel Le Courtois, Henrique François Vibert, Oronte Georges Vitré, le notaire Marco Béard. Mise en scène de Jean Meyer. La tribune libre de Théâtre et Université réunissait autour de Philippe de Chartres, Daniel Le Courtois de la Comédie-Française, Paul-Louis Mignon, Marcel Giraudet, André Blanc, professeur de lettres au lycée Janson de Sailly, Marguerite Cala et Dominique Paramitiati, élève de lettres supérieures au lycée Janson de Sailly. Réalisation, Éléonore Kramer.